Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux. Beau les cœurs. Suite à l'action Slam Alam très féconde en 2018, le collectif des radios locales des Vosges a lancé un nouvel appel poétique. Une action soutenue par les collèges lycées des Vosges, notamment le collège du Thiot, Contrexéville et le lycée de Bruyère. Par les médiathèques du département, par Culture C'est Nous et les associations littéraires des Vosges. Des prix du public seront attribués. Vous, auditeurs, êtes donc appelés ainsi après chaque émission à nous faire part de vos coups de cœur. Un regroupement des meilleurs poèmes créera un lien final. Et aujourd'hui, pour notre sixième émission, nous allons écouter la classe de 6e 5 et leur reprise originale des contes Walt Disney, version 2019. Très bonne écoute. De cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. L'histoire du petit chaperon rouge d'Hippolyte, Bérénice et Andy, de 6e 5. Il était une fois une fille surnommée le petit chaperon rouge, car elle mangeait des tomates matin, midi et soir. Sa mère, qui elle était une femme veuve, était souvent triste, et c'était sa fille qui la consolait. Par message, sa mère demanda à sa fille d'aller amener une enceinte Google à sa grand-mère pour qu'elle se sente moins seule. Elle y alla en overboard, mais sur le chemin, elle rencontra un criminel en fuite qui courait. Il tira une balle d'AK-47 pour prendre l'overboard de la petite fille, mais la loupa. Elle continua son chemin et s'arrêta. Pendant ce temps, le criminel vit une maison. Il y alla et vit une grand-mère qui essaya de se défendre contre lui, mais se fit tuer. Il prit ses habits et attendit que quelqu'un arrive. Mais à sa surprise, il vit la jeune fille qu'il avait essayé de tuer arriver. Elle rentra dans la maison et vit sa grand-mère mal en point qui avait cassé son iPhone XR Max et son Thermomix. Est-ce que tu vas bien ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu as la peau si bronzée ? Je suis partie en vacances, à Saint-Tropez. Le petit chaperon rouge découvrit le corps de sa grand-mère et appela le FBI, la police, les ambulances, la CIE. Quand ils arrivèrent, le criminel paniqué prit en otage la petite fille qui essaye de se débattre. Le criminel vola une Bugatti Veyron et s'enfuit, l'arme pointée sur la tête de la petite fille. La fillette prit son téléphone et envoya un snap à ses copines qu'il envoie aux forces de l'ordre. Ils arrivèrent dans une maison où se trouvaient plein de criminels. La fillette a peur. Les forces de l'ordre arrivèrent et ils n'ont même pas le temps de tirer que la petite fille fracasse les criminels en faisant des prises de judo et récupère leurs armes. Les forces de l'ordre la raccompagnent chez elle. Elle embrasse sa mère qui lui tend la manette de PS4 pour jouer à Fortnite. Fin. Cendrillon par Leïla, Lola, Kadir, 6ème 5. Il était une fois Cendrillon, une fille rebelle et très belle. Elle avait 15 ans. Un jour, elle vit plein de stories Snapchat. Elle vit qu'il y avait le bal de promo sur le thème princesse masquée. Cendrillon arriva au bal en Ferrari. Mais comme Cendrillon vivait avec sa belle-mère et ses demi-sœurs, d'insupportables petites pestes, elle n'avait pas le droit de sortir car ses demi-sœurs l'avaient dénoncée comme quoi elle était sortie sans permission. Cendrillon, étant rebelle, décida de fuguer, juste pour un soir. Elle dut courir en talons car elle n'avait plus de voiture. En arrivant au bal, Cendrillon eut beaucoup de succès. Les gens la regardaient avec admiration. Ils la trouvaient tellement belle que tout le monde l'invita à danser, même ses professeurs. Mais elle approuva que l'invitation d'un jeune homme nommé Jason. En courant pour aller le retrouver, elle perdit ses talons. Et c'est son pire professeur qui lui ramena. Elle les prit et alla rejoindre Jason. Cendrillon finit la soirée heureuse en couple avec Jason. Fin. Le petit pousset, Elisa, 6ème 5. Il était une fois, un avocat et une policière décida d'abandonner leurs 7 garçons près d'une petite maison dans la forêt. Car le père avait acheté une petite villa à quelques millions d'euros. Donc il n'avait plus d'argent pour payer l'essence de la voiture. Il ne put donc jamais rentrer. Et ils avaient oublié, ils avaient laissé leur travail et ils ne gagnent donc plus d'argent. Chez eux, les 7 enfants étaient seuls, dont un était en train de dormir, le deuxième était en train de lire un livre, tandis que le troisième venait de casser la table en verre, ce qui énerva les autres. Le quatrième joue tout le temps aux jeux vidéo, le cinquième et le sixième étaient en train de manger, et le septième jouait dans le jardin. Mais leur père avait roulé dans la terre avant de les abandonner, ce qui laissa des traces. Donc ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils y sont allés et ils vivaient tous heureux dans la villa de rêve jusqu'à la fin de leur jour. Hansel et Gretel joués par Jules, Marie, Enes et Maïssa. Il était une fois un père, une mère et 2 enfants, Hansel et Gretel. Leur famille était assez pauvre car les parents s'étaient ruinés pour acheter un portable à leur enfant. Un jour, ils décidèrent de les abandonner. Un matin, les parents prirent les portables des enfants pendant qu'ils dormaient et leur désinstallèrent le GPS. Ensuite, ils partirent en ville avec les enfants. Ils allèrent au parc municipal car les enfants voulaient jouer avec le petit chaperon rouge. Les parents, pendant qu'ils jouaient, partirent et les abandonnèrent. Plus tard, les enfants paniqués commençaient à chercher leurs parents. Alors, ils prirent leur portable, mais ils n'avaient plus de forfait. Alors, ils tombèrent sur une maison en chocolat. Une vieille femme les captura et voulut manger Hansel. Pour faire croire à la vieille sorcière qu'il était maigre, il lui tendait un os de poulet. Et comme elle était aveugle, elle le croyait. Le jour où elle décida quand même de le manger, les enfants la poussèrent dans le four. Et ils rentrèrent chez eux, riches, grâce à l'argent de la sorcière. La Belle et la Bête. Gabriel, Loan, Lola et Léo, 6e 5. Il était une fois un marchand riche qui n'avait plus d'argent. Il dut déménager, mais ses 2 filles les plus grandes étaient de vrais casse-pieds. Sa fille la plus petite l'aida à fabriquer une moto. Une fois la moto terminée, le père partit faire des courses. Il dut rapporter une tablette, un overboard et une rose. Une fois sur l'autoroute, il alla au supermarché pour acheter ce que ses filles avaient demandé. Au retour, il vit un champ de roses. Il en cueilla une et un sphinx surgit et le traita de voleur. Il lui dit de revenir dans 3 mois pour mourir ou d'envoyer une de ses filles à sa place. Le père prit son portable et appela ses filles pour leur raconter son histoire. La plus jeune des filles prit son jetpack et s'envola pour prendre la place de son père. Le sphinx vit la fille et en prit grand soin pendant des années. Finalement, ils se marièrent et le sphinx devint un beau prince. Cupidon transforma les 2 vilaines sœurs en patates et en aspirateurs. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Vous venez d'écouter bien la classe des 6e 5 et leur reprise originale des contes version 2019. N'hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur et sachez que vous êtes les bienvenus à participer. Faites-nous parvenir vos poèmes sous forme sonore, fond musical possible par clé USB ou by transfert à bolecoeur@radiogemozo.eu ou sous forme écrite. Nous lirons les textes sur l'antenne à Radio Gemozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont. Cette émission sera rediffusée samedi à 15h. Quant à la semaine prochaine, vous entendrez des textes lus du lycée de Bruyères. On vous embrasse bien fort. Très bonne journée sur Radio Gemozo. Ne peut cueillir.